comment vous vous sentez, mon cher monsieur? Ben, j'espère que ça se sent pas actuellement, là, parce que, premièrement, les micros sont pas encore ouverts. Dona est pas encore ouverte. Rita Biblo est tout à fait fermée. Et moi, je me sens passablement découronné. Comment ça? Ben, hier au soir. Ah, bon, il va nous raconter. Ben oui, ben j'y étais, moi, hein. Puis au bout du tunnel, je savais qu'il y en avait de la radioactivité. Comment, hein? Attends un peu. La radioactivité. Ben, il y en a. Ben, regarde-moi. Oh, mon dieu. Est-ce que c'est normal que tu clignotes? En fait, ce qui est anormal, là, c'est que je puisse te parler en ce moment très précis. Ben oui, hein. Sinon, qui peut... Sinon, qui peut parler à part toi? Parce que... Pareil, premièrement, m'entends-tu? Ben oui, je t'entends. Il y a pas un peu d'écho? Ben, à peine. C'est la radioactivité. Ben voyons donc, c'est quoi ça de la radioactivité? Ben oui. Je suis passé au bout du tunnel, puis c'est la radioactivité. Ben voyons, ça se peut pas, ça là. C'est de la radio communautaire, c'est KRL. Ah! Voyons donc, on m'a dit, tu passes là-dedans, là, il va avoir comme des aimants tellement fortes, là, que tu vas sentir une radioactivité. Ben oui, ben c'est très actif, c'est KRL, là, mais c'est pas de la radioactivité. Ben attendez, il faudrait que j'appelle M. Fortin, qui est le directeur... Attends un peu. Le grand... Attention. Le grand directeur général. Est-ce qu'il y a des grands directeurs généraux? Ben, le directeur général. Est-il grand? Ben oui, le gars, c'est un gars. Qu'est-ce qu'il y a en haut du grand directeur général? Il y a des oiseaux. Ah oui, c'est tellement agacé. Il doit toucher au nuage, lui. Moi, l'appeler. Est-ce que ça se demande? Attends, je vais dire. Bonjour, M. Fortin, c'est Renan Gagné, Rance canadienne. Touchez-vous au nuage, ou? Non, ça je crois pas qu'il... Ah, ben, on va essayer, OK? On a le numéro de... Oui, monsieur, on a le budget. On peut-tu débloquer? On va débloquer, OK. Là, les gens n'entendront pas. Ben non, mais écoute, tu vas faire le traducteur. D'accord, merci beaucoup. Ça sonne. Ça doit être la radioactivité. Mais non! C'est de la radio communautaire. Hey, Monsieur Fortin! Monsieur Fortin, c'est... Il y a de l'écho, hein, mais c'est mon... OK, arrête l'écho. Jean-Luc, arrête. Monsieur... Non, c'est pas un canul. Je ne suis pas un crête. Non, je ne veux pas vous. Vous êtes un étal... Ah, ça... Ça a raccroché. J'ai même pas dit mon nom. Il m'a pas reconnu. Comment ça qu'il m'a... Ah, ben on va re-signaler, hein? Puis enlève l'écho, là, ça fait bizarre. OK, bon. Là, ça va faire plus sérieux. Là. Attention, moi, je peux faire quelque chose de plausible, moi. Je suis pas un clown, moi. Je suis pas un ridicule, moi. Fais-moi ça, le téléphone, là. C'est correct. Bonjour, madame, mademoiselle. Ah, mademoiselle. Pourquoi vous savez pas qu'on vous appelle... Ça vient de raccrocher. Comment ça? Non, ils savent-tu que j'ai un numéro décomposable? Veux-tu faire un numéro fantôme, s'il vous plaît? Merci. Ressignale-moi ça, toi. Ça sonne. C'est bon signe. Non, quand ça sonne, ça va répondre. Oh, allô! Oui, mais Mr. Fortin, please. On va faire semblant, c'est international. Mr. Fortin. 14. 16. Mr. 16. Ah, bon, c'est 14. Oui, oh, OK, my name is Bieber. Martin Bieber. A big Bieber. OK, a very big Bieber. Thank you. On passe à M. Fortin. On est plausible. Oh, Mr. Fortin. Oui, c'est... Ah, vous le savez. Ah, ben oui. Hey, c'est Renan. Ouais. Oui, je sais. Ben oui, on s'est rencontrés lors du rat. Vous m'avez serré. Ben en fait, je voulais vous... Mais vous, on n'a pas pu se... Ben oui. Bon. Monsieur Fortin. Monsieur Fortin. Patron. Non, ça va bien, moi, là. Ah, je suis capable de faire une émission de radio, M. Fortin. Je suis très capable. Mais oui. Mais voyons donc, mais je suis très. Je suis un incapable. Comme beaucoup de gens, je. Oui, bon. Ah, d'accord. Mais. Oh, vous êtes agréable. Et vos enfants vont bien? Bon, votre épouse? Bon, votre travail est pas trop. Bon. Et écoutez beaucoup de. Oui. Oh non, je vais aller directement au but. Et le but? Eh, c'est les séries éliminatoires. Hein? C'est les. Ça m'intéresse pas, le hockey, moi. Ah, quel sport. Vous aimez ça? Ah oui. Moi, je trouve que ça nous tient en forme, hein? Manger de la bière, puis boire de la liqueur, puis. Non, manger de la bière, puis boire des croustilles. Des croustilles. Non, j'arrive au but. Attendez. Et le but? Sérène. Ouais, c'est. Ben, il signifie. Ben, pas ça. Errant Sérène. Ouais, très tard dans la. Personne nous écoute. Je suis un. Monsieur Fortin, hey, y avait quelqu'un sur la ligne. Une autre personne. C'est. Pourquoi je l'appelais donc? Ah oui, Monsieur Fortin. Non, Fortin. Monsieur. C'est moi. Oui, d'accord. Enchanté de vous parler, monsieur. Oui. Bon, les enfants vont bien. La femme va bien. Ah, les séries éliminatoires. Okay. Moi, j'adore ça, là. OK, moi. Hey, moi, Guy Lafleur, s'il rentre 3 buts, là, c'est. Il joue plus au. Il a déjà la mopette. Il a problème de. Oui, mais il est merveilleux. Il était merveilleux. Ben oui, il était. Nous étions, vous étiez. Bon. J'ai une formation, une déformation. Ouais, je suis très. Ouais, je suis apte, moi, là. Oh mon Dieu, plus apte que ça. Puis surtout que je vous parle au téléphone, puis je fais comme si je parlais au téléphone, moi, là. Et, monsieur, oui, je suis très. Moi, je suis habité par. Oh mon doux Seigneur. Plus habité que ça, monsieur, là. Vous cherchez l'appartement loué, non éclairé, parce que je n'éclaire pas ça, blablabla. Ah, c'est hein, pardon? Non, je ne blasphème pas. Monsieur Forti, dites-vous que j'essaye passablement de tenir mon langage neutre, c'est-à-dire aux auditeurs de ne pas les choquer, parce que choquer un auditeur, c'est d'en perdre un. Oui, d'en perdre un. Et moi, mon émission. Un insigne. Oui, je suis que. D'accord. Alors, si vous me tolérez. Bon, tolérez. Oui. Mais. Oui. Comme on dit dans le milieu, hein? Sinon, on te cale. Monsieur Forte. Monsieur. Mais ça va bien? Les enfants vont bien, la femme va bien, les séries de Mandoir, Guy Lafleur. Ouais, monsieur. Hey, monsieur Fortin. Parce que là, il y a un problème ici, là. C'était le début d'émission, là. Là, on peut pas commencer parce que Ticu Baudouin se demande, là. Puis là, j'espère que vous pourrez nous diriger. Vous avez une connaissance plus que générale. C'est si, Modac. Je vous ai parlé l'autre jour, là, puis je m'abreuvais de vos paroles, hein. J'ai compris bien des choses de la vie, puis oh mon Dieu, oui, je retourne chez nous, je suis un incapable. Oui, non, je maîtrise pas la radio. Oui, je suis. Ouais, ben, monsieur, fort, mais bravo. Mais, à passant, est-ce que la. Oui. Non, je ris pas. Ben, c'est pas une blague. Ben, j'espère que. Ben, voyons donc, si c'est ça, là. T'es en train de me manquer de respect. Je te garantis cette marchandise. Alors maintenant, ça suffit, les tests. On passe la monnaie, plus 10%. Eh, ben, voyons, monsieur, il y a quelqu'un sur l'autre ligne, hein. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. C'est la mienne. Il y a une transaction. Non, c'est tout à fait. Non, ça va bien. Non, je veux pas mêler. Ben, non, c'est pas les incorruptes. Il y a pas. Il y a rien de. Monsieur Fort. C'est concernant. Eh, j'ai chaud, mais peux-tu changer une lumière, là? Mets la troisième. Eh, monsieur, j'ai la couette qui chauffe. Hein? Non, il n'y a rien qui chauffe, tout va bien, le micro fonctionne. Non, on va faire de la. On prépare une émission. Errance Rénal. C'est quoi? Votre émission? Votre radio, monsieur. Bravo. Hein? Guy Lafleur, il va. Non, bon. Oui, hey, radioactivité. Ça n'a rien à voir avec ces CKRL, ça, radioactivité, monsieur. 14, la femme va bien, les enfants, oui. Là, OK, mais oui. Ouais. Ouais. Oui, radioactivité. Ben non. Non, mais c'est dans un seul moteur. Comment vous appelez ça? Oui, c'est dans un seul mot. Moi, je disais moton, monsieur, parce que je vais pas te connaître. Moi, je suis un incapable. Je vais pas te former. Voyons, non, hey, l'univers. Qu'est-ce que vous lui dites? Hey, voyons, des mots, moi, là. Qu'est-ce que c'est un mot? Hein? Allô? Oh, allô? Oui. Monsieur Forti, oui. Ben, voyons. Ouais, OK, radioactivité, puis non, c'est CKRL. Oui, radio communautaire, la plus. Premier. Oui, ben, c'est bien. Ben, je le rappelle continuellement à nos auditeurs, monsieur Forti, que CKRL est la première radio francophone communautaire au monde! Au monde, là! J'espère qu'il y a des gens qui sont conscients de tout ça. Mais j'en suis un inconscient. Oui, si vous me tolérez. Et à cette heure, c'est mieux.

Bon, moi très bien. Ah, c'est, il fait beau, hein? C'est une belle soirée, une belle nuit. Oui, joyeux. Non, c'est pas le temps. Bon, OK. Mais. Comment vous vous sentez, mon cher monsieur? Ben là, depuis que vous me regardez comme si j'étais. Comment dire? Comment tu dirais, toi, ça, Rita? Une espèce d'hurlu-garlu. Si vous me, quand, depuis que vous me regardez, depuis que je suis. On dirait qu'il n'y a plus de. Non, il n'y en a plus d'écho. Ah, oh, mon dieu! Ça me rend. Oh, mais ça te rend à la police. Ah, oh, mon. Oui, c'est ça. Ça me rend à la force constabulaire. Ah, oh, mais si tu fort, la force, hein? Puis si tu faible, la faiblesse. Puis si tu fort, la force. Ah, oh, mon. Hey, ça, là. Les gens vont dire, c'est évident, mon petit crotté. Moi, premièrement, c'est pas moi, crotté. C'est crotté Baudouin qui est à côté. Moi, c'est. Réginal. Oui, mais où est-ce qu'il est, votre animateur? Ben, il est pas là pour le moment. Parce que il m'a dit que je pouvais le remplacer à pied. Ben êtes-vous venu en autobus? Non, je suis venu à pied. Ah, mon Dieu, vous êtes venu, hein? Ouais, c'est bien. Hey, c'est bien Agnès Bill, hein? Ben, c'est très bien, oui. Agnès Bill, on la connaît, mon Dieu. Bonjour Agnès, comment ça va? Monsieur le Président, comment ça il dit ça, lui? On sait pas. Non, on sait pas. Monsieur le Président, faut pas creuser. Parce que malheureusement, quand on creuse... Ah, t'as peu. Quand on creuse, c'est une question, ça, là? Oui. C'est un quiz, presque. Y a-tu quelque chose à gagner? Non. Ah, ben là, y a pas d'intérêt. Ben, l'intérêt, c'est de trouver la réponse. Oh! Trouver la réponse! Eh, y a de la réponse à tout, hein? Ça, on le sait. Et puis, c'est quoi la votre... Quand on creuse? Ben, quand on creuse, on arrive en Chine! Oh, la Chine! C'est beau, la Chine. C'est très beau, la Chine. Moi, là, ce qui me plaît dans la Chine, là, c'est les Chinoises. Oh, mon Dieu! Et plus il y a de Chinoises, plus il y a de Chine. Ben, non. Plus il y a de Chinoises, plus il y a une Chine. Ah, OK, il n'y a pas de plusieurs Chines. Ben, non. Il y a une Chine et des Chinoises. Ah, je pensais qu'il y avait des Chinoises dans des Chines. Ben, voyons donc, oui. Dans la cime, il y a peut-être des Chinoises, là, mais dans, c'est pas des cimes, c'est une cime, hein? C'est le ciel, la cime. Ah, mon Dieu, Seigneur. C'est compliqué, hein, cette émission. Non, ben voyons, c'est la compréhension. Compréhension de texte, en lieu de... La compréhension de texte. Ouais, c'est à peu près ça, mais ça me dit pas grand-chose, moi, là. Bon, en tout cas. Monsieur, oui, puis vous disiez, ben c'est ça, hein, la Chine, les Chinoises. Ah, on sait bien, les Chinoises. Ah, c'est très bien. Monsieur le Président... Personne n'accepte de discuter avec vous, bande d'enfoirés. Réfléchis, petit con. C'est à prendre ou à laisser. Hey, mec. Fais gaffe, mec, hein. Là, t'es aérant, serait notre jeune. On t'offrir... Premièrement, on t'ouvre la porte, là, hein. Tu la boucles, on t'ouvre la porte, mais tu la boucles. Si on veut te laisser parler, on te laisse parler. Hey, TQ, ferme-la, c'est le grand monsieur. Oh, mais... Bonjour, vous faites partie... Personne n'accepte de discuter avec vous, bande d'enfoirés. Réfléchis, petit con. Oui. C'est à prendre ou à laisser. Oui, bon. Est-ce qu'on peut... c'est un autre quiz. Il y en a des quiz ce soir. Je risque de terminer, moi, là. Non, de pas terminer. Ah, non. Il faut répondre. En plus, t'as le gorgoton qui girgote. Ben oui, comment ça, t'as le... Ben, je sais pas, je suis comme... C'est la peur. Ah, mais je crains que tu risques de ne pas lui finir, là. De pas terminer. Ah, on va répondre à monsieur. Monsieur le Président, monsieur, il n'est pas trop... On va faire semblant qu'on ne l'a pas entendu, OK? Personne n'accepte de discuter avec vous, bande d'enfoirés. Réfléchis, petit con. C'est à prendre ou à laisser. Ben, premièrement, là, vous dites bande. Il ne faut pas se laisser impressionner par un crétin de même, là. Hein, vous dites bande. Nous ne sommes pas une bande. Nous sommes une bande de jeunes, à nous tout seuls. Nous sommes une bande de jeunes. On se fond la gueule. Personne n'accepte de discuter avec vous, bande d'enfoirés. Réfléchis, petit con. C'est à prendre ou à laisser. OK, alors on va réfléchir. OK? Attention. Oh, madame, on réfléchit. Oh, mon Dieu. On n'a pas mangé de. Non, ça va bien, hein. Il n'y a pas de féculent, là. Oh, mon Dieu. On dirait que ça fécule, hein. Oh, mon Dieu. On réfléchit. On ne peut pas réfléchir. Comme le film de Louis Benoît dans La Bourgeoisie. Le charme discret de la bourgeoisie où on parle autour d'une. Comment on peut dire ça, donc? Ben, moi, je dirais que c'est très. Assis sur un bol de toilette? Sur une bol, un bol. Ah, voyons donc, t'es pas une bol, toi? Non, je suis pas très bolé, moi. Eh, bon, en tout cas, j'ai jamais été récuré, hein. J'ai la senteur. Regarde-moi ça, sens-moi ça, le cure-dent. Oh, mon... Monsieur, on vous demanderait, s'il vous plaît... Personne n'accepte de discuter avec vous, bande d'enfoirés. Réfléchis, petit con. C'est à prendre ou à laisser. OK. Alors oui, nous sommes des petits cons. Oui, on peut pas... Personne n'accepte de discuter avec vous, bande d'enfoirés. Réfléchis, petit con. Okay. C'est à prendre ou à laisser. D'accord. Bon. Alors, monsieur... Comment vous sentez, mon cher monsieur? Ben là, je me sens... Merci de poser la question. Il y a tellement d'affaires qui se passent en ce moment qu'on dirait que c'est l'anarchie totale dans cette émission-là. Comment vous vous sentez, mon cher monsieur? Ben écoutez, on va vous répondre, là. Laissez-nous la paix, au moins 30 secondes pour répondre à ces affaires-là. Là. Il y a une affirmation, on veut nous tuer. Attendez-vous. Personne n'accepte de discuter avec vous, bande d'enfoirés. Réfléchis, petit con. C'est à prendre ou à laisser. À prendre ou à laisser. Premièrement, là, on va essayer de comprendre votre stratagème. Qu'est-ce qu'on a fait pour que vous arriviez ici? Qui vous a invité à Errance Renaldienne? Êtes-vous des VIP? C'est pas bon signe, ils répondent pas. Faudrait peut-être réfléchir et pas réfléchir. Non, arrêtez de réfléchir puis commencez à courir. Parce que si à un moment, ils vont nous tuer, ils vont nous... Ah, la casse, la gamme, un coup... Ah, c'est... Je crois que c'est... On peut-tu dire au public au revoir, adieu, c'est... Ah, bon, c'est dangereux de faire une émission. C'est de l'anarchie. C'est à chercher son trouble. non, je suis en train de rire. Je ris de même, ouais. C'est un nouveau rire. Ça va être sur le marché dans la semaine prochaine. Sur eBay, là, vous pouvez y avoir ce rire-là. Je connais une fille qui fait ça. Quand elle est au summum, là. Là, t'arrêtes, tu sais qu'est-ce qu'il y a? Tu fais mal, ma belle chute? Mais non, j'aime ça. Et monsieur. Monsieur le président. C'est vrai, on dit pas son nom, mais non. Elle est assez cohérente, elle fait de la. Ah, non, monsieur le président. Elle dit pas ça, toi. Je la connais pas. Monsieur le président. C'est arrivé, vous nous actionnez, il y a assez clos, t'es le malade. Personne n'accepte de discuter avec vous, bande d'enfoirés. Oui. Réfléchis, petit con. Oui. C'est à prendre ou à laisser. Oui. Je pense que c'est l'ami de la fille de ses Monsieur le président. Je pense que je m'imagine déjà qu'ils me prennent au cou, puis je suis étouffé, puis je suis plus capable de parler, puis tu sais comment ils sont, eux, hein? Ça discute plus, là, ça commence tranquillement, il y a des petits cons, là, de réfléchir, là, puis après, c'est... Lâche ton flingue, mec! C'est fini, là. Monsieur le Président, monsieur les pas trop catholiques, je ris pour ne pas pleurer, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante, francophone, Errance Renaldienne. Là, il y a des gens qui m'ont dit, qui vont me dire, je les entends me dire, on ne comprend pas. Alors, monsieur le président, monsieur les pas trop catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Renaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Hey, c'est bon ça! Avez-vous aimé le silence avant le Virginia Woolf? Hey, c'est merveilleux, t'es un vrai! Je suis un vrai. J'aimerais... On me demande de répéter, mais vous êtes... Personne n'accepte de discuter avec vous, bande d'enfoirés. D'accord. Réfléchis, petit con. Oui. C'est à prendre ou à laisser. D'accord. Alors, on va laisser là... On laisse ça sur la glace. Hein? Et le but! La glace et le but! La glace ça sur la... Oui, monsieur, là, ben, il y a un fusil sur devant moi. Ah, mon... oui, mais vous êtes sur mon front, là. Puis, vous savez, ça fait un petit rond, puis c'est pas très esthétique. On me filme actuellement, là. Là, vous avez le... Ah, mon... ça sent la... Ma soeur... Est-ce qu'on peut faire une chanson de Jim Morrison? This the end, I don't know when the end. Ça ressemble à le vrai... This the end, I know sa friend the end. I know sa friend the end. Diane, m'entends-tu, mais Diane? Je t'entends, oh Diane. Diane, ils veulent me tuer. Laisse-toi faire, ben la malade, regarde-moi là, la malade. À quoi bon faire ce sémis... Attends. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Hey, c'est bon ça. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Reynaldienne. L'absurde aventure de l'errance reynaldienne s'ouvre à l'instant. On dirait un chat. Non, je voulais faire une porte qui s'ouvre. Ben voyons donc. Ça, c'est une porte cochère. Ah, mon Dieu. L'absurde aventure. Voyons, ça me fait bander. Allô? Qu'est-ce qu'il nous a dit, le monsieur, là? On sait pas, on l'a perdu de voix. Ah, mon Dieu. Bon, OK. L'absurde aventure de l'errance reynaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Moi, le pognon, ça me fait bander. Oh. Monsieur a pas besoin de Viagra, hein? Il suffit de 2-3 $ puis... Mon Dieu, on dirait entendre un... T'allais dire quoi? Mais vous êtes ceux qui passent la quête, là, mon Dieu, des quêteux. L'absurde aventure de l'errance... Ah oui, ceux qui disent... Oh, je vais vous aller avec vous. Je vous aller mon ami. Gosh, come, listen, la pitoune. Non, mais sans l'islande, panton. La oui, tantan, arrête, non, non. Ah oui, ça, oui, talent. Ah oui, ah oui, tant bon, mis en pont. Ah oui, nous avons d'arriver. Nous avons sur l'eau. Nous irons nous promener. Nous irons danser dans l'île. Dans l'île. C'est le même Michel et Abedu son chat qui gribe à la fenêtre qui se lui arrange à dada. Et le père Lustigru qui lui a répondu avec la main Michel Vaughan et ben perdu sur l'air du drain, sur l'air du drain, sur l'air du drain, les trains, la la la. C'est le même Michel. Hey, t'as-tu fini, là? L'absurde aventure de l'errance reynaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Et voici, non, là, oui, et voici le pitre. On l'a, le pitre. Qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal Jauge, espérez que ça sera plus comme ça, monsieur Gagné. Premièrement, M. Gagné n'est pas encore arrivé. Où est-il passé? Ben, vous savez qu'il ramasse des fonds pour son émission. Oh mon Dieu, à quel endroit? Dans les bars. Dans les bistrots. Oh mon Dieu, c'est pas une belle place. Comment vous vous sentez, mon frère, monsieur? Ben là, je me sens un peu interrompu par autant d'ignorance et puis on sait pas là. Moi, le pognon, ça me fait bander. Bon, je pense que c'est Reynald qui dit ça, hein? Moi, le pognon, ça me fait... Mon Dieu, Seigneur. Aujourd'hui, vendredi, on n'a plus le pognon qu'on avait. Il me semble que j'ai 2 $. Attends un peu, j'ai 2 $ dans mes poches. On va vérifier, voir 2 $ dans mes poches. Bon, je touche à mon 2 $. Moi, le pognon, ça me fait bander. Ben, pas moi, j'ai 2 $. Ça me fait absolument rien, moi. Mais quand je pense à Fernande, là... quand je pense à Félicie... Oh, quand je pense à Pénélope... Oh, Pénélope... Quand je pense à... Là, ça ne se commande pas. Aujourd'hui, le vendredi... Peux-tu être plus clair? Caroline Boisclair, s'il vous plaît. Oui, c'est moi, Caroline. Oui, pouvez-vous être plus clair? D'accord. Allez-y. Plus clair, sur quel sujet? Sur quelle phrase? Sur quel mot? Sur quelle quelle structure? Quelle structure? Voyez, donc là, chez moi, la structure, oh là là! On est en... Je vous arrête, mon frère flatulent reynaldien. Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait, là? On n'a absolument rien fait. J'ai demandé à Mme Chose de nous dire ce qu'elle avait de Malamon. Aujourd'hui, le vendredi 15 avril 2011, les errances reynaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, cette semaine, unissons-nous autour de Jean-Claude Dreyfus. plaçons-le sous les projecteurs pendant quelques errances rénaldiennes. C'est beau, hein? Jean-Claude Dreyfus débute sa carrière cinématographique en 1973 avec plusieurs films signés. Excusez-moi, j'ai comme un... Es-tu en train de mourir? Je sais pas, c'est... Pompe-lui le cœur. Madame Tremblay, pompez-lui le cœur. Mais comment ça... Où est le cœur? Il est à côté. Moi, le pognon, ça me fait bander. Mais il est juste là, là. Bon, je peux pas y pomper. Ah, mon dieu. Jean-Claude Dreyfus débute sa carrière... Émission pour enfants, pour adultes ou tout autre individu provenant d'une stratosphère intelligente. Eh, hey, monsieur. Et pour nous envelopper dans la main, Jean-Claude Dreyfus débute sa carrière cinématographique en 1973 avec plusieurs films signés Michel Audiard. Il collabore ensuite à 4 reprises avec Yves Boisset. Les années 90 et une double collaboration avec le cinéaste Jean-Pierre Jeunet marquent un tournant dans la carrière de Jean-Claude Dreyfus. Dans Délicatessen en 91, il incarne un inquiétant boucher. Dans La Cité des Enfants Perdus en 94, je vous présente M. Jean-Claude Dreyfus. Oh, M. Jean-Claude Dreyfus, louez à vous, mon grand monsieur. Vous êtes un artiste très immense. Nous nous prosternons à votre talent. Nous vous prosternons à vos talons pour attendre votre talent. Et c'est vrai, est-ce qu'on doit toucher au talon pour atteindre le talent? Et ça, là, c'est une question qu'on devrait se poser actuellement, là. Ben voyons donc, là, on pourrait peut-être enchaîner avec une petite chanson. On a le temps. Ben non, les gens en ont ras-le-bol. Ce qu'ils veulent avoir, c'est de la musique. On va leur en donner de la musique. On va leur en donner de la musique, mais pas ce que j'avais prévu, parce que je voudrais annoncer, puis là, qu'est-ce que tu vas faire avec l'introduction? On la dira plus tard, c'est pas important. OK? Bien, M. Dreyfus, c'est extrêmement important. Mais la chose que je voulais vous dire, c'est ceci. La semaine dernière, on parlait beaucoup d'un artiste. Alors, attention, l'émission Errance rénaldienne soutient et soutiendra jusqu'au bout l'intégration de l'auteur, compositeur, interprète Bertrand Cantat. Selon la justice, il paya comme il se doit l'acte qu'il posa. Il y a de cela plusieurs années, laissons-le s'exprimer. Certains humains peuvent comprendre et grandir par leurs erreurs. Octroyons la chance aux coureurs. Vous avez connu ce qui, dans un élan de poésie mal contrôlée, à 100 à l'heure sur les boulevards, sur les banquettes de Moleskine, en s'en remettant au hasard, sans plus se soucier de Lénine, s'aimer à l'arrière de taxi. S'aimer à l'arrière de taxi. Tant que les heures passent. Tant que les heures passent. Peu importe les années, peu importe les villes, c'est Paris, Moscou, Berlin, Berlin l'enchanteresse. Et le déjà vieux règne de l'électricité, partout même sous nos peaux. La cicatrice au néon et les égouts qui débordent, en pensant à l'hybride de Vladimir Mayakovsky. Il s'est mis à l'arrière des taxis. Tant que les heures passent. Tant que les heures passent. Allez. Vous avez connu ceux qui emportaient par leur fantaisie. Pensant à l'hybride et Vladimir Mayakovsky, leur sourire à peine éteint et les 120 croix de leurs mains, leurs mains qui glissaient sur leur skin, se perdaient sur la Moleskine. Ils s'aimaient à l'arrière des taxis. Hey Jean-Claude, est-ce qu'on a dit qu'on devait laisser la place aux coureurs? Non, on l'a dit, on l'a dit. On continue. On laisse la place. Aux sombres héros de la mer qui ont su traverser les océans du vide, à la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Always lost in the sea. Always lost in the sea. Tout part toujours dans le flot, fond des nuits sereines, ne vois-tu rien venir? Les naufragés et leurs peines qui jetaient l'encre ici et arrêtaient d'écrire. Always lost in the sea. Always lost in the sea. Always lost in the sea. Always lost in the sea. L'absence qu'on crève un abcès, c'est le poison qui coule. Certains nageaient sous les lignes de flottaison intime à l'intérieur des poules. Oh, sombreros de la mer qui ont su traverser les océans du vide, à la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Bertrand Cantat, Duras. Duras rase le mot, modifie la trajectoire et coupe au rasoir la forme pour orner sa réalité, sa sensualité, sa différence. Hey! T'es comme un homme, un être, un garçon dramatique, moi. Je suis très dramatique. La dramaturgie m'a gagné lorsque j'avais déjà l'âge de ne rien comprendre. Et c'est ça qu'on demande aux comédiens. Ne comprenez rien. Allez de l'intérieur vers l'extérieur. Rap, rap, rap, rap, rap, rap. Ça va bien? Je suis en train de faire un rap. Rap, rap, Robert De Niro's. OK, Robert De Niro's. À l'Actor Studios. Oh mon Dieu, c'est où ça? L'Actor Studios, c'est le théâtre new-yorkais où on invite des grands ou des moins grands, des petits, des plus maigres, des gras, des joufflus. Des gros, des joufflus, des je vous dirai OK. Alors on invite des êtres dramatiquement instruits par leur rôle, par leur intégrité, et on leur demande, vous êtes à l'Actor Studios. Là, je suis à la porte, c'est en entrant. en entrant dans le... Ah, la porte, la porte! Ben oui, bien là, il faudrait... ouvrez la porte. Oh, open the door, open the door, open the door. Ben, bon, pas open, c'est open là, la table. Ah, pas ouais, non, open, open. Puis là, là, ils ont dit open, open, open. Il s'est retrouvé en prison, lui. Ben oui, le grand Rinaldo Di Guerrero. Parce que là, il dit open, open, puis l'imbécile, lui, comprend pas l'anglais. Il a de la misère à comprendre, bonjour, comment ça va. Puis là, il dit comme si, comme si, comme si, comme ça. On comprend dans l'amour, on est ni du tout, mais toujours, comment, comment. Il se prend pour le petit Bramard, là, René Bramard, là. René Bramard, que tout le monde connaît. Ben, je connais pas ça, moi, là, René. Ben, René Bramard, attends un peu. Est-ce qu'on peut, attends un petit peu. Est-ce que l'on peut? Un petit peu, est-ce que l'on peut? Est-ce que l'on peut comprendre? Comprendre quoi? Ben, qui est le Bramard, le petit Bramard? Ben oui, c'est lui. Qu'est-ce qui fait chanter les petits Bramards? Everything, qu'est-ce qui fait des gens? J'en veux encore. C'est du pudding du grand Bramard. Pas besoin d'assiette. Tire la chiboulette. Qu'est-ce que c'est ça? Ça donne... Oui, c'est un petit pudding. Un petit pudding. Un pudding au quoi? Aux anchois. Ah, mon Dieu, on n'a pas le choix. Ben non, c'est des anchois. Il n'y a pas le choix, c'est des anchois. Ah, mon... Avoir le choix, moi, ce serait au chocolat. Au chocolat? Ben voyons donc, toi, là, là des anchois, c'est pas du chocolat. Ben je sais! Je sais! Mais tu me donnes le choix. On te donne pas le choix, c'est des anchois. Si c'est pas ça, c'est rien. Ben moi, je prends rien. Ben c'est ça. Alors, prends rien, puis c'est ça, les petites boulettes. Pas... Alors, donc, lui, il dit, hein, open the door, open the door. On est rendu là-dessus. Open the door, open the door. Tu l'avais oublié, hein? Non? Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. Quoi? Mais 45 et toi, t'es 18 ans, quoi? Tu crois que je ne suis plus un dirigeant? Non, un brigand. Un brigand. Un rigolant. Un rigolant, un tiguidan, un tiguidan, un tiguidou, un tiguidou, tiguidou, tiguidan, tiguidan. Arrête donc, c'est pas ça, là. Là, ici, mais. Ah, mais c'est ça, là, open the door, open the door. Elle va-tu lâcher, là, open the door? Ben non. On est rendu là-dedans, là. On explique pourquoi il y a open the door, acteur studio, là. Notre public est encore accroché à nos lèvres. Ah, mon Dieu. Selon moi, ils ont décroché de tes lèvres, toi, là. Comment? Ils ont décroché de tes lèvres, ils ont décroché. Ils décrochent, c'est un public qui décroche, moi. C'est impossible, moi. Moi, je l'ai plus attentif. Moi, on m'a dit, là, prends ce créneau à air, là, là. Qui? Ce créneau à air, là, là. Ce créneau à air, là, là, là. Ce créneau à air, là, ce créneau à air, là, là, là, là. Prends-le. On va le prendre. Comment on peut prendre ça, un créneau à air? On va appeler monsieur Fortin. Ah, non, pas à cette heure-là, là. Il est presque 1 h du matin. Il va bien aimer ça qu'on l'appelle. Ben oui, voyons donc, son ami, moi, Serena. T'as de la misère à parler? Ben oui, ben non. C'est l'émotion. J'étais en pleine émission, moi, là. Appelle-moi, monsieur Fortin. Ah, non, non, non, pas à cette heure si tardive. 1 h moins. Tout le monde commence à vivre à 1 h moins 10 du matin. Qui s'endort à 1 h moins 10 du matin? Qui veut pas faire un beau méchoui à 1 h du matin, hein? Qui veut pas se réunir avec plein de à 1 h du matin, hein? Puis tout le monde, bon. Là, ici, qu'est-ce que t'allais dire? Il est 1 h moins 10 du matin. Ben oui. 1 h moins 10 du matin. Ben, puis à part ça! Ben, il est bientôt 1 h moins 10, parce qu'il est pas encore. Et là, monsieur, le toutou, la tétou, ouette le tout, les joutes le tout, ouette le tout, ouette tout, la tétou. Moi, le pognon, ça me fait bander. Ah, ben là, ça tombe bien. 1 h moins 10, puis non, il est 00h10. Moins 10, est-ce que c'est le temps de ami? Non, c'est pas le temps. C'est pas le moment. Maman. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Il y a des types qui voudraient te voir. Et monsieur, avez-vous entendu? Attends un peu. Madame, il y a l'intensité dramatique, la musique. Il y a quelqu'un qui voudrait te voir. Hey, ça sonne. Il y a des types qui voudraient te voir. Il y a des types qui voudraient te voir. Ça donne des échelons dans les os, hein, puis une crainte au niveau de la cervicale. Moi, c'est la troisième plexus molaire, puis non, je l'ai déjà fait, ça, hein, mais c'est vrai, la troisième. 1, 2, 3, ça, aïe, donc, c'est le 1, 2, 3, aïe, donc, la 3, hein, 1, 2, 3, aïe, aïe. Arrête de me peser ça à 3, fois ça à 4, 1, 2, 4, man, tu sais, je sens rien, 3, aïe, donc, attends. là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Aïe, aïe. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phase d'une de ses nouvelles extraits de son recueil. Con. On est des cons. Con. Je suis con. Un con. Je suis un con. Premier con. Premier con. Deuxième con. Premier doigt. Deuxième con. Un. Premier. Con. Moi. Je. Con. Con. Un. Con. Con. OK. Con. Con. OK. Des. Con. Des. Con. Des. Con. Des. Con. Des. Quand. Quand on descend en bas, il y a des Chinoises. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est une autre. Les gens qui n'ont pas suivi, là, comment ils peuvent comprendre qu'on descend des Chinoises, là? Faut avoir le fil des événements, faut comprendre. Il faut écouter l'émission Errance Renadienne à partir de minuit, et ça, jusqu'à 2h15, 2h30, 4h. Si on veut 6h du matin, c'est nous autres qui décidons, M. Fortuny, oui, d'accord. C'est 2h10, 2h15, 2h, 2h05, 2h20, quand ça va mal, 2h moins quart. Ça n'a jamais arrivé, 2h moins quart, mais c'est maintenant ou jamais. Mon Dieu, c'est maintenant où les pyjamas se mettent plus. Mais les plis de la jama. Les plis de la jama. Tu connais pas jama? Attends un peu. Jama! On va l'appeler. Jama! As-tu le numéro de jama? Là, c'est le temps de l'appeler, la jama, parce que les gens ne croient pas. Le pli de la jama. Jama! Le numéro. Attendez. Mets le mien sur le micro. 418-448-448. OK. Hey, monsieur, t'as tourné le micro, toi? J'espère que tu l'as pas brisé. 1, 2, 3, je reste au bois. 4, 5, 6, curry des cerises. 7, 8, 9, dans un panier. 9, 10, 11, 12, 0, 12. OK. Jama. Allez. Ça sonne. Pouvez-vous mettre l'autre? Oui, merci. Allô? Allô? Non? À l'huile? Allô? Ah, allô? Allô? Non, c'est là. Allô? Non? Ah. OK. Allô? J'aime-moi! Alors, on va enlever celle-là, ça donne mal au cœur. Mal au cœur. J'aime-moi! Celle-là, c'est épouvantable. Hein? On dirait que c'est du presbytère. Ah, mon Dieu! J'ai mangé du presbytère hier au soir. Moi, là, oh, c'est... j'ai le sein passablement ému, moi, là. T'entends-tu ça, le sein ému? Sein ému! C'est sein ému! J'aime-moi! Oh, pas de temps! Non, c'est pas le moment, mais je vais moi. Voyons donc, jamais j'ose. La poêle, ben voyons donc, on l'aime. OK, allô? C'est mieux de maintenant. Allô? OK, je vais moi. OK, c'est Rénal. Oui. Non, je t'appelle des. Ouais, ben c'est ça, on m'a mis dans Un réfrigérateur. Comment elle a dit, là? J'ai rien entendu. Tu parles, Gemma? Voyons donc. On va te faire. Est-ce qu'on peut te couper la bouche? On va me couper la bouche. Gemma! C'est bien, on t'a coupé la bouche. Gemma! On m'a mis dans un réfrigérateur. Voyons donc. J'enlève dans mon choix. Un réfrigérateur. Il fait froid. Il fait très froid. Oh ben oui, mais ben voyons donc, je sais pas pourquoi, moi, là, je ne suis qu'un simple, une simple brebis. Ouais. Hey, Gemma, on parlait de pyjama, ma Gemma. Est-ce qu'il faut... Tu la connaissais, hein? Gemma, pyjama, ouais, en pyjama, Gemma, OK. Oui, je sais qu'il est presque 1h du matin. Je suis un Bon, ma belle Gemma, on te lèche la tuge, on te lèche le pyjama. Pas besoin de le laver. Hein? Ouais, OK. Non, j'ai pas la langue. Oui, sale. Oh mon Dieu, oui, c'est vrai, c'est très sale. Regarde-moi, c'est la langue de chez nous. On la plante. OK, on la plante de chez nous. Oui, monsieur, là, on n'a pas fait un produit. Ouais, on va repasser. OK, plus tard. Un jour, je l'ai vu, j'ai tout de suite su que qu'on allait devoir faire ces jeux absurdes. Bijou et le tralala, Modou et Kuba, insultes, coups, etc. Non, pas les miens, mais les siens, oui. Notre enfant deviendra aussi le sien ensuite. Enfin, c'est le juge qui insistera, j'imagine. Imagine-moi, télé sous le bras, et mes jeans sales, et puis tout ça. Je l'aime à mort, mais pour la vie, On se dira oui à la vie, à la mort. Et même en changeant d'avis, même en sachant qu'on a tort, on ne changera pas la vie. Donc comme tout le monde, je vais en souffrir jusqu'à la mort. Je voudrais être son ombre, mais je la déteste. Même au bout du monde, et bien qu'elle y reste. Oui, je l'aimais tellement que je l'aime encore. Je n'aurai pas le choix, non, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Un jour je la reverrai, je le saurai tout de suite, que ce sera reparti pour un tour de piste. Un môme de plus, un nouveau juge, et puis leurs odeurs de pisse. Ça deviendra juste une fois de plus répétitif. Imagine-moi dans mes vieux jeans, mais cette fois-là sans domicile. Le moral bas en haut d'un pont, d'une falaise ou d'un building. J'aurais l'air d'un con quand je sauterai dans le vide. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, mais pour la vie, on se dira oui à la vie, à la mort. Et même en changeant d'avis, même en sachant qu'on a tort, on ne changera pas la vie. Donc comme tout le monde, je vais en souffrir jusqu'à la mort. Je voudrais être son ombre, mais je la déteste. Même au bout du monde, et bien qu'elle y reste. Oui, je l'aimais tellement que je l'aime encore. Je n'aurai pas le choix, non, jusqu'à la mort. Te quiero. Te quiero. Jusqu'à la mort. Te quiero. Te quiero. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort. En général, les banquiers, c'est toujours joué dans des hommes de 60 ans. Donc je peux toujours le rejouer demain. Hein, mais à l'époque, c'était intéressant parce que d'avoir à peine 30 ans, j'avais une notion de l'amour un peu différente, évidemment, qu'à entre 50 et 60. Et puis aussi de l'argent. Donc ça donnait, avec les mots de Claudel, ça donnait vraiment devant le public du Théâtre de la Ville, qui était un public très populaire et qui payait à l'époque genre 40 francs les places, c'était très peu cher. Ça donnait une dimension encore plus grande à la pièce de Claudel. Alors, quand on a joué ça pendant 2 ans, année, les Claudeliens n'étaient pas complètement d'accord avec l'option de moi sur scène, parce que je venais de... J'étais une danseuse de cancan, hein, on va dire. Mais comme ça a eu beaucoup de succès auprès du public, ils se sont ralliés, la famille Claudel et tous les Claudeliens ont tout d'un coup découvert que finalement on pouvait venir du cabaret et être un bon acteur quand même. Hein. Alors on snobisait les gens qui étaient... peut-être d'un avenue plus populaire. Oui, mais en même temps, vous avez les grands acteurs comme Michel Serrault, que j'aimais beaucoup, avec qui j'ai tourné 2-3 fois. Il était vraiment un acteur et un homme extraordinaire. Il a commencé avec Poiret et Serrault. Ils ont presque tous, à l'époque, commencé au cabaret aussi. Hein. Je veux dire, c'est une chose. Et aujourd'hui, des cabarets, il y en a beaucoup moins. Mais il y a des gens qui font du one-man show, qui font des stand-up et tout. Ça revient un peu au même, sauf que les gens qui font... Sauf que la différence, c'est que nous, on faisait du cabaret, et on a pu s'en sortir. Que les gens qui font du stand-up aujourd'hui, ils sont ancrés dans un truc définitif. Parfois, ils font les acteurs, mais quelque part, souvent, ils sont pas très bien, parce qu'ils sont rompus à un truc de solitude. Et ensuite, ils sont plus heureux seuls. Ces quatre murs en plein...

et au matin, je la réveille d'un coup de patte ou bien d'un coup de dent. Je m'appelle Samba et mon histoire est courte. Pour aller du lit où je dormais jusqu'au jardin où je repose, il ne m'aura pas fallu un an. Toi, le jardin, je te connais dans tes moindres recoins. Hier encore, je t'ai prêté un os. Aujourd'hui, je te donne les miens. Je m'appelais Sampa et j'étais chien. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation. C'est une improvisation? Une improvisation, oui. À partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelles ». C'était beau, la chanson, hein? C'était beau. Arrête. On dirait que mes plombages veulent sortir. OK. Conte et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Puis là, Buck, là, c'est pas n'importe qui, Buck. Là. Buck. On va chercher au hasard la première phrase de l'oncle Buck. Puis on va vous bucker ça ici en direct. Première phrase. OK, le titre. OK, la première phrase, c'est « Enlever les causes, car c'est la cause de tous mes soucis. » Quand les... Non, les soucis... J'ai pas dit... Ah, j'ai dit les saucisses. Les saucisses sont cuites, madame Man. Non, c'est les carottes. Les carottes sont pas cuites. Non, les saucisses non plus. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Ben là, il est très tard. Là. On peut manger même s'il est très tard. Là. Il n'y a pas d'heure pour manger, là. On est-tu dans une société où il y a des heures assignées à tout pour manger, pour déféquer, pour boire, pour manger, pour faire l'amour, pour déféquer, pour boire, pour manger, pour faire l'amour, pour déféquer, pour boire, pour le bagout, l'amour, toujours. Quand j'ai sonné, il était à sa 7e ou 8e bière. Et j'ai été m'en prendre une dans le frigo. Hey, tu lis bien, hein? T'es comme un petit garçon, 3e année, 3e supérieur de la Brambling à la string. T'es comme un étudiant à la string. Oui, d'accord. Alors, je la redise. Quand j'ai sonné, ding-dong, il était à sa 7e ou 8e bière et j'ai été m'en prendre une dans le frigo. Mais là, l'histoire dit pas ce qui s'est passé. J'ouvre le frigo. Non, il n'y avait pas une tête déposée. Là. Il n'y avait pas décapité la belle Gertrude, qu'on aime bien, puis qu'on vous laisse partager à un moment donné. Mais lui, comme il peut comprendre ce qu'il veut comprendre, il dit un jour, il va peut-être faire un éclat, un coup d'éclat. Puis quand c'est des coups d'éclat, ben, ça donne des coups dans l'éclat. Hein? Moi, ça peut pas donner ailleurs que dans l'éclat. Ben voyons donc, moi, j'ai eu des clous, moi, des clous et des coups. Hey, tu te prends-tu pour Jésus? Jésus la croix. Oh mon Dieu, celui qui... Aïe, je ne sais pas ce que je... Ah, mon... Non, jamais. Non, jamais, je n'ai rien oublié. Non, j'ai pas oublié ça, j'espère, là. C'est-tu un moment de ma vie que j'essaie de soustraire à ma pensée, à mes souvenirs? Attendez, est-ce que je peux aller consulter? Ah, mon Dieu, ta biographie? Non, mon... Mon petit collègue. Ah, mon, ben si, est-ce qu'il est assez grand pour venir ici? Non, il est tellement petit qu'il passe pas nulle part. Ah, mon Dieu, comme de tous les petits collègues. Ah, oui, petit collègue. Viens, c'est un petit collègue, viens. Voyons donc, c'est un petit collègue ou un chien? Ben là, mon petit collègue, pour moi, c'est un chien, hein, parce que je lui raconte toute ma vie. Ah, moi, tu peux composer sur l'aboiement? Mais je peux comprendre, moi, là. Va sur Goggle. Ah, mon. Je pourrais te changer, parce que ma lumière, ma lunette est sale. Ben, peu importe, là. Tu lis même pas, là. Ben oui, mais on dirait que c'est embrouillé. Ben. Mieux vaut que ce soit embrouillé puis que tu trouves la vie belle, que ce soit clair et malsain. Ah, c'est bien tout seul, ça, oui. Ça vient de mon cervelet à peine allumé. On dit surveilleuse, mon cervelet allumé. Non, non, à peine allumé, une allumeuse. Ah, oh, allumeuse, oh mon dieu, j'en connais des allumeuses. Non. Ben non. Quand c'est une petite lumière, c'est une... Une petite lumière. C'est une petite lumière. Ben oui. Veilleuse. Hein? Veilleuse. Ah, je veille. Il est très tard dans la nuit et je suis ici encore ce soir. Ben non, c'est quoi la petite lumière? C'est une veilleuse. Oh, mon dieu. C'est une veilleuse. Veilleuse. Elle veille, la veilleuse. Oh, mon dieu. Mais vieilleuse, comment ça va? Oh, mon... Eh, moi, ça va très bien. Ça allait bien avec le chanson. Oui. Ne bougez plus, oui. Vous êtes en état. En mon dos. Et nous vous arrêtons pour cet effet. En alors, donc, restez couchés, endormez-vous pas, parce qu'on va vous tirer, s'il vous plaît. Alors, montrez-nous votre cœur et puis cachez votre tête. Comme vous n'en avez pas, ça ne sera pas compliqué. Je mets pas de ça! Et monsieur, là, il y a de la violence. On a senti l'interrogation du monsieur premier et de l'autre, n'appelle pas de ça. Si on veut se mêler de ce qu'on nous... Ça nous regarde pas. On a-tu le droit, nous autres, là? On a des citoyens. On a voté pour l'imbécile, là. Puis on a le droit de dire ce qu'on veut. Puis si on n'a pas le... On va le prendre, le doigt. Puis moi, c'est le pouce index. Je vais prendre le majeur, moi, et je le lèverai au ciel. Au ciel, comprends ma misère. Oui. Ne bougez plus, oui. Vous êtes en état. Est-ce que tu vas arrêter de m'emmerder? Laisse-moi t'expliquer le problème entre nous. J'ai un certain boulot à faire, mon pote, et je suis payé pour protéger les braves gens de cette ville. Et toi, ben, tu m'en empêches. Cœur et puis cachez votre tête. Quand vous en avez pas, ça sera pas compliqué. Est-ce que tu vas arrêter de m'emmerder? Laisse-moi t'expliquer le problème entre nous. Monsieur. J'ai un certain boulot à faire, oui, mon pote, monsieur, et je suis payé pour protéger, oui, les braves gens de cette ville. Vous êtes... Et toi, ben, tu m'en empêches. Ben, pas vraiment, là. Moi, je suis rien. Je suis un imbécile ici, là. Monsieur, j'anime. Il y a de la tension dans... On dirait que j'ai la pension Velder, hein. Oh, mon dieu. Et vous êtes à... Saviez-vous? On vous a pas invité? Moi, je sais pas. Le petit cube au doigt, il va d'un bord le mardi, mercredi. Il recrute des gens comme vous, des grands personnages. On vous aime, hein? On aimerait vous embrasser. Est-ce que tu vas arrêter, oui, de m'emmerder? Laisse-moi t'expliquer le problème, monsieur, entre nous. Attendez. J'ai un certain boulot à faire, mon pote, oui, et je suis payé pour, oui, protéger les braves gens de cette ville. Ben, vous êtes, mais toi, ben, tu m'en, oui, empêches. Ben, vous êtes policier, monsieur, ou on sait pas, là, hein? D'où ta Calbi venez-vous? Puis vous êtes très violent dans votre propos. On vous reconnaît plus. Ben, en fait, je vous ai jamais connu, là. Puis je veux pas vous connaître non plus, mais c'est pas vous, là. Vous êtes ailleurs. Mais là, présentement, c'est Errance Renadienne, c'est tout doux, hein. Tout doux, tout doux. Puis là, c'est M. Bukowski. Lui, là, quand j'ai pris sa bière, parce qu'il était rendu lui-même à sa 7e ou 8e, je m'en souviens plus, là. Mais là, on a parlé de choses et d'autres, et de Roman Boringer, de Roman Polanski, de Romain Gary, de Romain Porcy, de Romain Parla. Hey, on peut dire de Romain Parla, de Romain Tigre, de Massinga, Romain, Manahin, Manahin. Est-ce que je suis crédible? Tu étais crédible. Mon, comment? Domani, Tumana. Est-ce que je suis crédible? Tu es très crédible en Père Moël. En ami, en amant, en ami, en amant, y en a mis, y en a marre. C'est un grand pavillon au milieu d'une impasse. Il n'y est pas venu depuis quelques années. Ses sœurs sont déjà là et ses craintes levées. Des fois à se revoir, on se dit que tout passe. Et sa mère est heureuse et c'est là l'essentiel. Et la table déborde. Et tout a l'air léger. Les je t'en veux d'hier meurent dans la bouteille. Finalement se revoir, c'était une bonne idée. Ça n'allait pas faut dire quand papa était là. Finalement c'est lui qui l'a dit, il fallait.

sous le son affolant, le lit d'une chambre d'écho. Voix noyée sous la vague, se relève-t-on vraiment du lit d'une chambre d'écho? Les secondes s'étirent dans les secondes et le temps. Les paupières engourdies, fais du son cœur du lit flottant d'une chambre d'écho. De quoi mentir, le ciel est-il plus haut qu'ailleurs, à Saint-Adèle-PQ? La rivière a-t-elle un sourire, et la montagne quelques pleurs, à Saint-Adèle-PQ? À Saint-Adèle-PQ. Pour que je ne puisse passer un seul jour sans m'y retrouver, la tête dans les cerisiers en été, la tête dans le sapin vert en hiver. Bien sûr, le vent est plus frondeur, l'eau un peu plus fraîche qu'ailleurs, à Saint-Adèle-PQ. Bien sûr, il y a ma mère et mon père, un bel été, un long hiver, à Saint-Adèle-PQ. À Saint-Adèle-PQ. Il y a la tétée de la rosée du matin, et le sentier qui ne sera jamais un chemin, et les filles déshabillées en été, et les filles tout bras ouverts en hiver. Les arbres ont-ils de quoi mentir? Le ciel est-il plus haut qu'ailleurs? À Saint-Adèle-PQ. La rivière a-t-elle un sourire? Et la montagne quelques pleurs? À Saint-Adèle-PQ. À Saint-Adèle-PQ. Pour que j'en parte sans partir, que je veuille tant y mourir. La tête dans les cerisiers, on était. La tête dans le sapin vert, on hiver. Jean-Pierre à Saint-Adèle, Bécu. À se demander ce qu'est et l'autre en hiver, mon Jean-Pierre, le véritable solitaire, même en hiver, qui se cherche un soluté en été. Voyons donc! Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, voyons donc Jean-Pierre, un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Je veux voir là-haut si c'est beau. Prends mon gars et mets ma main. Encore un bon, un petit bon. Un bon, bon, je suis encore. Puis il va dire, t'es mon amour, t'es ma maîtresse. Ah! Jean-Pierre, t'es mon amour, t'es ma maîtresse. Oui, monsieur. Alors donc, cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, sinon ils vont nous couper. En Allemagne, ils vont dire, il y a un bout de chanson qu'on reconnaît, là, puis on sait pas d'où ça vient, on sait pas d'où ça vient. Vous allez être censurés parce qu'on a entendu quelques brides. Et cette bride, c'est celle-là's. Vous êtes donc exclus de l'Allemagne. Voyons donc, moi, sur YouTube, là, en Allemagne, là, j'ai-tu beaucoup d'auditeurs, là? Il y a 53 227 auditeurs qui t'écoutent. Oh, alors je perds un gros public. Un gros public, surtout qui sont presque toutes obésifiées de ta pété. Oh, oh, OK. Alors donc, si on excuse. Cette semaine, et ce... Jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots sur lui, celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure. Pour les gens qui se demandent demain, est-ce qu'il fera beau? Je leur dirai ceci. Peut-être. Dans le château symbolique de la francophonie, aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « juge ». Et hey, ça me plaît le mot juge, parce que depuis quelques semaines, au mois d'avril, on a jugé un individu, plusieurs individus, mais plutôt un artiste. Il voulait juste être un artiste pour un jour changer de peau. Mais là, il n'y a pas le droit de changer de peau, là. C'est un serpent qui doit rester avec cette même mobilité. Textile. Il peut pas modifier. Il peut pas s'extrapoler. J'espère qu'il prépare, qu'au moins qu'il prépare un album, une chanson, des chansons. S'il fait jamais tourner, c'est gens qui adorent sa pensée, qui adorent sa musique, un jour pourront, devant leur sono, se placer un peu de cantate entre les deux oreilles. J'espère. Hey, on n'a jamais voulu t'entendre au théâtre, mon vieux. On n'a jamais voulu te laisser une chance sur scène depuis que t'es sorti. Et je suis peiné ici, je suis un Québécois, et je suis peiné de voir que le Québec te ferme. La création, c'est un signe qu'on n'est pas si ouvert que ça, que l'on est ce que l'on est, c'est-à-dire décolonisé, et on le restera jusqu'à la fin de nos jours. Hein? Puis peut-être les nouvelles générations vont peut-être s'ouvrir, mais ils connaîtront jamais Bertrand Cantat. Pour un jeune de 14-15 ans, si les parents lui ont pas inculqué Cantat, ça lui dit rien. En tout cas, il y a au moins des politiciens qui se sont prononcés. Et pour les gens qui croient fermement que l'idéal du fait de ne pas laisser s'exprimer un artiste. Qu'est-ce que tu dis, toi, là? Ben oui, l'idéal, OK? On se fait un idéal de tout ça. On voudrait qu'un artiste nous exploite toute sa façon de faire. Mais là, lorsqu'il a commis un crime, qu'il a purgé son crime, et que les juges lui ont dit, après autant de temps, tu peux sortir, tu mérites la sortie, doit-on lui laisser une chance de créer? Oui, pourquoi pas? Hey, nous sommes rendus à quel niveau en 2011, là? À un niveau très bas. Très, très bas. Non, ce que vous n'entendrez pas. Non, il n'y a pas une autre chanson de Bertrand Cantat ou de Noir Désir. Mais je trouve incroyable le fait que l'on juge Cantat. Puis là, c'est un mot que j'avais décidé 2 mois et demi d'avance qui est arrivé ici maintenant. Puis voilà, bravo. C'est ça, l'errance rénaldienne. Alors, moi, je lui donne et je lui laisse et je lui octroie cette ouverture vers la création et vers la fascination de nous éblouir, nous, public. Alors, tu as tout mon appui, mon cher Bertrand Cantat. Thank you. J'essaie au Molière, parce que j'étais nommé au Molière, à la des derniers Molières avec mon auteur d'ailleurs. Je fais un hommage aujourd'hui, puisque vous êtes en face de moi à Laurent Terzieff, qui a remporté le Molière, et c'est pas si vieux, c'était il y a 2 mois, et qui vient de mourir hier. Un homme absolument admirable, et qui a une ligne théâtrale extraordinaire, qui a été un vrai monument du théâtre, et que bon, moi j'étais nommé avec lui, enfin dans la même catégorie des meilleurs acteurs. C'est lui qui l'a remporté, ce qui fout les jetons un peu, parce que je me dis, la prochaine fois que je suis nommé, si par hasard je le suis encore, je vais le refuser parce que j'aurais trop peur de partir très vite. Alors mieux vaut attendre avant de gagner. C'est un peu triste, c'est vrai. Avez-vous travaillé avec on s'est rencontrés, oui, on a travaillé, on a tourné dans un film ensemble, dans un film de Jacques Baratier, et on s'est rencontrés souvent parce que pendant des années j'habitais Saint-Germain et lui habitait Saint-Germain aussi avec Pascal de Boisson, sa femme qui elle est partie il y a 2-3 ans, et donc on s'est rencontrés souvent, mais on n'a jamais travaillé ensemble au théâtre. Non. Mais je l'ai vu souvent et vous êtes côtoyé. Et on s'est côtoyé, et puis c'était un homme d'une éthique théâtrale extraordinaire. Avez-vous déjà vu sur scène? Ah oui, je l'ai vu bien sûr. C'était quelqu'un qui vous a inspiré beaucoup? Je ne sais pas s'il m'inspirait, disons que je suis. Moi je suis très particulier par rapport à ça. Oui. Je ne suis pas fan de rien. Ok, ni Dieu ni mal, comme c'est fait. Comment ? Ni Dieu ni mal, comme c'est fait. Non, mais qui me fascinait comme acteur, dans la spontanéité, la folie qu'il avait. Alors, je n'ai pas de maître. Spirituel. J'aimais beaucoup Michel Serrault, mais je l'aimais comme acteur dans les choses que je voyais ou pour avoir eu la chance de jouer avec lui. Ouais. Mais je n'essayais pas d'être le nouveau Michel Serrault, ni le nouveau Terzieff, des nouveaux quoi que ce soit, je refuse catégoriquement ça. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete. And I love you so. Love me tender, love me true. The end of

shot a vein in my neck and I coughed up a prelude. On my left shot, my left shot. Here's a toast to all that's good, and here's a toast to hate. And here's a toast to toasting, and I'm not boasting when I say I'm getting straight. When I say I'm getting straight. But when you quit, you quit. But you always wish that you knew it was your last shot. When you quit, but you always wish that you knew it was your last shot. Croyez-vous, vous avez eu une avenue singulière ou, Une avenue singulière, oui. Ça veut dire quoi? Ben, une route? Une route singulière. Ah ben oui, singulière, oui. Une carrière singulière. Elle ne fait que débuter, hein. Oh oui, oh, mais c'est bien. Elle ne fait que débuter, mais pourquoi oui. Elle est singulière, mais en même temps très ordinaire aussi, je veux dire. J'ai fait beaucoup de choses très différentes toutes les carrières, je crois, sont singulières. Il n'y a pas de carrière, il n'y a pas de carrière qui sont, sauf des gens très ennuyeux ou qui vont avoir, ou qui vont faire, comment on appelle ça, comment on appelle ça quand on revient tout le temps à la télévision. Un comeback, c'est pas un comeback. J'en suis pas encore au comeback. Okay, okay. J'ai pas encore fait mes adieux. On appelle ça un récurrent. Ok, oui. Tu reviens avec toujours la même chose. Avec un récurrent chiant, la même rengaine, mieux. Donc j'ai jamais eu l'occasion. J'ai toujours eu l'occasion d'être dans la diversité et de faire des choses très différentes, de passer du théâtre au cinéma, à la chanson, dans différentes choses. Et même, j'ai été très touché parce qu'il y a mon ami, c'est une amie de longue date, qui est Muriel Maguette, qui est l'administrateur de la Comédie Française, qui il y a un an m'a proposé de rentrer au Français. Alors j'ai été très touché, c'est une des plus belles compagnies que l'on ait en France. Il y a elle, il y a la Comédie Française, il y a Mouchkine, il y a 2, 3, 4 compagnies qui sont des vraies compagnies. Alors j'ai réfléchi pendant une semaine, une dizaine de jours, et puis je me suis dit non, c'est pas pour moi, je préfère me balader, je préfère être à droite, à gauche, faire des choses très différentes avec des gens très différents. Alors je sais bien qu'à la Comédie Française, il y a des metteurs en scène différents, mais il y a quand même un groupe, une famille, et je suis pas très famille. Voilà. Mais croyez-vous aussi que c'est une contrainte? La famille est une contrainte en général, oui, et moi je ne suis pas famille, j'ai renoncé à lui dire oui, tout en étant quand même très flatté et touché qu'elle m'ait proposé de rentrer dans cette belle maison. Mais en même temps, je préfère ma vraie liberté, avec tous les risques que ça comporte, la liberté, que d'aller toujours au même endroit avec les mêmes acteurs, même si les metteurs en scène changent. Je n'ai pas envie de ce luxe-là. En tout cas. C'est aussi une sécurité. Hein. Mais je n'ai pas. Je préfère le dilettantisme de la liberté que la sécurité. Okay. Turn off the light. Le moral des ménages qui a encore baissé. La crainte qu'on s'enrôdait sur les marchés boursiers. L'indice européen publié par l'INSEE qui donne des résultats fortement dégradés. Le secteur aérien en chute continuelle qui entraîne avec lui l'industrie touristique dans la bourrasque affreuse d'une toute nouvelle épidémie de pneumopathie atypique. Je dis sans moi, sans moi, je dis sans moi, ni moi, je dis sans moi, sans moi, ni moi, ni moi, ni moi, je dis sans moi, sans moi, ni moi, ni moi, ni moi, sans moi, sans moi, sans moi, ni moi, ni moi. Librairie bar à vin, anticonsumériste, où l'on trouve des t-shirts vraiment non conformistes, aux slogans drôlatiques parmi lesquels voisine, dans un joyeux fatras, Bourdieu et Bakounine. Clémentine qui renoue avec l'art encagé, en essaimant de nuit, dans les cages d'escalier, des notes de musique, faites en papier mâché, sur lesquelles, en grosses lettres, on lit obéisé. Sans moi, sans moi, je dis sans moi, ni moi, je dis sans moi, sans moi, ni moi, ni moi, ni moi, je dis sans moi, sans moi, ni moi, ni moi, ni moi, sans moi, sans moi, sans moi, ni moi, ni moi. Jean-René qui renoue avec la photo floue, créateur inclassable qui veut marier Mickey avec le dadaïsme et le culte vaudou, réinventant ainsi la dissidence vraie. La télé qui renoue avec sa vraie mission, qui est de rendre compte de nos obsessions dans des comptes rendus sans concession, afin de renouer avec l'insoumission. Je dis sans moi, sans moi, je dis sans moi, ni moi, je dis sans moi, sans moi, ni moi, ni moi, ni moi, je dis sans moi, sans moi, ni moi, ni moi, ni moi, sans moi, sans moi, sans moi, ni moi, ni moi. Le parc paysager, la promenade plantée, l'atelier jardinage du square de Tanger, où Natacha renoue avec les potagers qu'elle dit être d'abord des lieux où résister. La place Sainte-Marthe, bien réaménagée, devenue lieu de vie, avec des cours fleuris, des sculpteurs débutants qui se réapproprient, veillant à empêcher qu'elle devienne brûlée. Je dis sans moi, sans moi, je dis sans moi, ni moi, je dis sans moi, sans moi, ni moi, ni moi, ni moi, je dis sans moi, sans moi, ni moi, ni moi, ni moi, sans moi, sans moi, sans moi, ni moi, ni moi. Et le squat rénové de la friche musicale, espace d'émergence pour programmes créatifs, énergie collective, actes alternatifs, dans le cadre d'un vrai projet municipal. Je m'en vais de ce pas, voir la Documenta, qui se tient cette année, tout près de Bassora. Elle remporte, m'a-t-on dit, un énorme succès. Et ne va pas prétendre que c'est pas un progrès. Je me garderai bien d'être si discourtois. Je dis sans moi, sans moi. Je dis sans moi, sans moi. Ni moi, ni moi, ni moi. Ni moi, ni moi, ni moi. Ni moi, ni moi, ni moi. Ni moi, ni moi, ni moi. Sans moi, ni moi, ni moi. Ni moi, ni moi, ni moi. Sans moi, ni moi, ni moi. Ni moi, ni moi. Oui, je sais que je déborde de mon émission. Je m'en excuse infiniment auprès des programmateurs, des auditeurs et tout ce qui finit en heure. Mais c'était Philip Murray, un anarchiste. Et lorsque j'ai envoyé cette chanson-là, un véritable pseudo-anarchiste, il m'a dit « Qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Alors, à savoir si on comprend ce que veut dire le mot « anarchiste » au Québec. Alors, de la nouveauté, hébergeons à partir de maintenant un nouvel atelier d'improvisation. Offrons-nous un peu de 7e art. Oui, puis enfin, pour nous amener un peu de 7e art, il faut... Monsieur Tremblay, pouvez-vous nous placer un peu de 7e? Ah, mais là, on est dans le 8e. Ah, mon Dieu! Les arrondissements se croisent, ouais, mais ils se décroisent très peu, hein. Surtout, moi je suis en haut là, en haut, ben oui, en haut de on appelle ça Montmartre. On est en haut de Montmartre. Oui, voyons donc, c'est ça, on appelle abaisse Montmartre. Mais non, ça monte ou ça baisse, ben c'est Montmartre. On sait pas si ça monte ou ça baisse, mais on dit que la butte. Mais une butte, ça baisse pas. Pourquoi on dit la buste Montmartre? Hein, Mandou, ça Montmartre pas. Mais c'est pas ça la question, puis c'est pas ça la réponse, puis on saurait pas ce que serait réponse. Là, ben c'est la fin, là. C'est la fin, oui, OK. Hébergeons, il faut être sérieux, là. Très sérieux. C'est une émission de radio. Une émission de radio. À la radio communautaire. Communautaire. Comme il se veut. Comme il se veut. Dans une vision. Une vision plus que globale, plus qu'animale, plus que respectueuse. De la nouveauté, hébergeons à partir de maintenant une nouvelle... Une nouvelle. J'ai un nouvel à vous dire. Non, mais j'ai une nouvelle, mais c'est un nouvel atelier. offrons-nous un peu de cet amour dans les oreilles. Amorçons le numéro avec un court extrait cinéma. On s'excuse. Madame Trent, oui! On sexe. Amorçons le numéro. Oh, on sexe! Oui. Amorçons le numéro avec un court extrait cinématographique et enchaînons sous l'inspiration et la transpiration du moment. Aujourd'hui, incrustons-nous sur la surface crânique du film Le Roi de New York d'Abel Ferrara, 1990. Est-ce que tu vas arrêter de m'emmerder? Laisse-moi t'expliquer le problème entre nous. J'ai un certain boulot à faire, mon pote, et je suis payé pour protéger les braves gens de cette ville. Et toi, ben, tu m'en empêches. Mais pas vraiment, moi, hein. Moi, j'empêche personne. Si toi, tu es un petit rien de rien, et puis remets les cons, puis on va lui redire... Est-ce que tu vas arrêter de m'emmerder? Laisse-moi t'expliquer le problème entre nous. Wow, calme-toi. Est-ce que tu vas arrêter de m'emmerder? Attends, au pied. Tranquille, Fido. Tranquille. Au pied. OK? Au pied. C'est moi qui mène. C'est Rance Rénaldienne. Rénal gagné. Vois-tu ça? Ça s'illumine pas, là, mais dans ta tête, hein, si ça rentre pas, on va s'occuper de toi. Hey, c'est violent. Non, dans la mesure où, dans un livre, on va lui inculquer, là. Hein? Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Je suis, tu es, il est. Hein, on nous a inculqué, hein. Bon, voilà, c'est comme ça. Inculqué. Hein. Est-ce que tu vas arrêter de m'emmerder? Laisse-moi t'expliquer le problème entre nous. Premièrement, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas de problème. Si tu en vois un, dis-moi où il est. Où il est. Dis-moi où il est. Le problème, je crois que c'est toi, mon pauvre mec. C'est vrai, c'est sérieux. Hein? Il va avoir des coups de flingue. On n'a pas de budget. Pouf. Mais non, c'est pas sérieux, là. Il faut avoir des pouf. Ça fait... Les gens, ils croiront pas, là. Puis juste dans ce discours-là, c'est très bon, là. Laisse-la aller. Ben oui, mais là, les gens ont coupé, ils se comprennent pas, puis... OK. Il y aura pas de coup de feu, il y aura pas de meurtrier, mais il va y avoir des mots qui vont se lancer. Oh, mon Dieu, ça fait peur. Est-ce que tu vas arrêter de m'emmerder? Laisse-moi t'expliquer le problème entre nous. Là, le problème, le pauvre mec, là, j'en connais pas, là. Dis-moi ce qui te purge et je te dirai qui dépurger. Dépurger, ça n'existe pas, hein. Madame Tremblay, dépurger, attendez, non, ça n'existe pas. Alors, on ne peut pas faire ça, là, hein. J'ai un certain boulot à faire, mon pote, et je suis payé pour protéger les braves gens de cette ville. Ça tombe bien, hein. Alors, les braves gens cherchent aussi quelque chose de réconfortant. Mais toi, tu es à peine réconfort valide, hein? Et toi, ben, tu m'en empêches. Eh ben, ouais, putain de bordel de merde, où est-ce foutu générique, hein, voyons? Est-ce que tu vas arrêter de m'emmerder? Laisse-moi t'expliquer le problème entre nous. Il y en a pas de problème. Il y en a jamais eu, il y en aura jamais. Merci à tous les gens qui nous ont écoutés. Ils se sont dit, hey, on reviendra pas, il fait peur, hein? Pointez pour vous pas d'œil, voyons donc. J'ai un certain boulot à faire, mon pote, et je suis payé pour protéger les braves gens de cette ville. Eh, voyons donc, tout le monde est protégé. Ticu Baudouin, Madame Tremblay, M. Thibaudot, sauf Rénal Gonnet, il est pas protégé, on ne protège pas, lui, il vaut absolument rien. C'est une petite crotte dans l'univers radiophonique, on aime ça. Et toi, ben, tu m'en empêches. Ben oui, non, pas lui, c'est une petite crotte, une petite crotte. Il n'y a rien à dire, lui. Il se tait, comme les petites crottes. Yeah. Vous savez, il y a des gens qui sont bankable, on dit ça aujourd'hui. Moi, je suis un saltimbanque. Ok, oui. Un saltimbankable. Un vagabond. Un vagabond de l'art. Oh, oui. Et surtout, croyez-vous que c'est les lectures, c'est les auteurs qui vous ont formé, qui vous ont forgé? Et en même temps, je n'appartiens à aucune compagnie. Et en même temps, j'ai retravaillé plusieurs fois avec les mêmes metteurs en scène. Et je dis toujours, d'ailleurs, je le dis comme ça de temps en temps, je préfère les amants et les maîtresses au mariage. Ouais. C'est-à-dire que l'on se rechoisisse, que l'on ne soit pas obligé d'être ensemble par un contrat définitif, mais on peut très bien se rechoisir les uns les autres, et que je trouve ça beaucoup plus enrichissant, en tout cas pour mon type de caractère. Ok, vous êtes un être changeant, donc... J'aime bien me retrouver seul, déjà. Okay. Vous êtes un solitaire. Je ne suis pas très seul, mais me retrouver un petit peu seul et me dire que je ne sais pas, peut-être l'année prochaine où je vais. Alors, il y a beaucoup de projets, mais je ne sais pas encore où je vais exactement. Donc, j'aime bien cette insécurité-là, okay, qui, je trouve, est plutôt enrichissante que la sécurité et le... peut être très très stérilisant, quoi. Ouais, ouais. Et je vous ai vu dans un document sur YouTube où on reprenait Chopin. Je faisais quoi? Ben, on reprenait Chopin et vous faisiez des lectures. Il y avait une pianiste, une chanteuse. Et y avait... Ah oui, oui, oui. Non, c'était pas Chopin. C'était qui? C'était à Marseille. Oui, exactement. C'était à Marseille. Je faisais avec une cantatrice et je racontais la vie de. Je ne sais plus d'un. Mais enfin, d'un musicien. Chopin. Oui, c'était pas Chopin. Mais... Debussy, non? Non, non plus. C'était pas Debussy non plus. C'était qui? J'ai carrément oublié. Oui, mais vous irez voir sur le net pour. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est pas... je racontais, j'avais fait la vie de. Salieri, je crois plutôt. Et puis là, c'était un autre musicien, je ne sais plus qui c'était, j'ai oublié. Mais c'était extraordinaire, il y avait la chanteuse, il y avait vous, il y avait la pianiste, et c'était l'osmose. Oui, oui, oui. Et vous l'avez fait à quel endroit? Vous l'avez pratiqué? On avait présenté ça à Marseille, dans un grand hôtel, dans l'auditorium d'un grand hôtel. Okay, mais ça... dans une salle de 300-400 places. Et combien de mois? On l'a fait une fois. Oh! On l'a fait qu'une fois. Oh, mais ça... C'est une soirée unique, éphémère. Mais vous êtes prêt à travailler autant pour une seule soirée? Mais vous savez, quand on fait une lecture, il faut travailler, mais en même temps, il ne faut pas trop travailler. Ouais. Il faut garder la spontanéité. Il faut travailler parce qu'il faut bien que je lise et que je sache, que je comprenne ce que je raconte. Mais en même temps, il faut laisser un petit peu...